Donc aujourd'hui, on parle seul, on parle d'anxiété. C'est un sujet quand même assez chaud depuis un certain temps, depuis plus ou moins les 10 dernières années, mais depuis le début de la pandémie, on en parle quand même pas mal souvent. La pandémie a bien sûr causé beaucoup d'anxiété chez beaucoup de gens, qu'elle n'avait peut-être pas nécessairement au préalable. On va voir un peu pourquoi, on va en parler un peu plus tard dans l'émission, j'imagine. Mais l'anxiété, c'est quoi exactement? C'est en fait assez difficile à décrire parce que ça semble évident quand on le vit, parce que c'est un sentiment corporel, comme assez viscéral. On sait que c'est un stress parce qu'on le vit. Et on sent comme une certaine nervosité au sein de soi-même. Mais c'est quoi exactement? Mais d'après ce que j'ai lu, c'est que c'est un état psychologique qui se distingue de la peur spécifiquement. Parce que ça se trouve, contrairement à la peur où on est dans une situation épeurante, admettons, confronté à un animal sauvage comme un ours. On va en parler plus tard des ours, les ours invisibles surtout. Mais contrairement à une situation où on a de la peur, ben, l'état psychologique de l'anxiété, ça se retrouve dans un état d'anticipation négatif. Généralement, c'est quand on est confronté à une situation future, qu'on n'est pas prêt à affronter ou qu'on s'imagine qu'on n'est pas prêt à affronter. Parce que s'imaginer le fait qu'on est... C'est la peur d'avoir peur, en fait. C'est souvent décrit comme ça. Fait qu'on s'imagine qu'on n'est pas habilité à affronter une certaine situation. Donc ça nous cause un stress anticipatoire. Plus souvent qu'autrement, il va y avoir un événement déclencheur qui va déclencher ce qu'on appelle l'anxiété. Et cet événement déclencheur-là va faire en sorte qu'on va se mettre à penser, à réfléchir beaucoup, puis avoir comme une enfilade de pensées dans notre tête qui va être très lourde, une charge psychologique très difficile à soutenir. Souvent, les gens utilisent l'image du petit hamster qui tourne dans la tête parce que tu n'arrêtes pas de tourner, tu n'arrêtes pas de penser. Et ça cause du stress anticipatoire. Parce que la manière dont moi je le vis généralement, c'est que tu n'es pas capable de résoudre dans ta tête tous les éléments possibles d'une situation donnée. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vis, c'est pas pareil pour exactement tout le monde. Mais une affaire à retenir aussi, c'est que c'est pas quelque chose qui est nécessairement perceptible. C'est souvent en dessous du seuil de perception. Ces pensées-là sont pas nécessairement, comment je pourrais dire, vocalisées intérieurement. En fait, ça peut se passer dans quelques secondes, en fait, une empilade de pensées qui vient créer un genre de blocage, en fait. C'est à ce moment-là que surgit l'anxiété ou l'incertitude. T'sais, l'incertitude, c'est un bon mot pour comme un peu décrire ce que c'est. Maintenant, il faut noter que l'anxiété, c'est pas nécessairement maladif. C'est une réaction normale à des situations justement incertaines. Dans le monde moderne, des situations qui vont causer de l'anxiété, ça va être quelque chose comme ben, on va avoir une entrevue qui s'en vient bientôt. On attend de recevoir un appel important. On doit donner un discours dans une soirée quelconque. C'est des situations dans l'avenir où on anticipe quelque chose et on ne sait pas exactement comment ça va se passer. S'inquiéter un peu dans ces situations-là, c'est totalement normal. C'est des émotions qui peuvent nous aider justement à se préparer pour une situation donnée. Mais là, je pense qu'il faut faire un petit retour en arrière parce que c'est bien beau s'inquiéter quand on va se recevoir un appel important ou quand on va avoir une entrevue pour une job qu'on a besoin ou qu'on veut. Parce que l'être humain n'a pas nécessairement évolué pour faire face à ces situations-là. Mais on ne se le cachera pas, le concept d'appel téléphonique ou même de job, c'est quand même des concepts assez récents dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas des choses que nos ancêtres avaient à faire face. Je lisais un article sur Internet qui parlait d'anxiété en préparation. Je l'ai même ouvert devant moi présentement. Et généralement, nos ancêtres, dans la savane, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, on va encore parler d'animaux sauvages. On voyait un lion au loin, ben, des réactions d'anticipation négative. Oh, un lion, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se pousse, on va essayer d'éviter la situation. On voit une tempête au loin qui arrive, on va aller trouver un abri. Ou c'est juste on a besoin de ressources, on n'a pas mangé récemment, on a soif. Mais on a besoin de trouver des ressources, de s'abreuver, de manger. Toutes des situations assez immédiates où on a besoin de trouver une solution à un problème. Un problème précis, concret, qui se passe dans l'avenir proche quand même. Hein. C'est donc un état qui a évolué pour nous aider à survivre à des situations futures, mais dangereuses, mais quand même perçues. Bon, je ne suis pas un expert en psychologie évolutive, mais tout ça pour dire que ça provient de quelque chose, c'est un mécanisme qu'on a développé pour nous aider à survivre. Et là, maintenant, on se retrouve dans une société où la survie est quand même assez assurée, du moins règle générale pour une bonne partie de la population, par le simple fait que s'abriter, se nourrir, c'est assez accessible pour beaucoup de gens, du moins plus que ce l'était auparavant. Mais ce petit mécanisme-là d'anxiété, d'anticipation de l'avenir, d'anticipation négative, ne nous a pas quittés. Et ça nous affecte quand même au jour le jour. Et là, pour certaines personnes, ça peut devenir un empêchement à vivre une vie, entre parenthèses, normale. Donc, avant la pause, j'ai dit quelque chose comme l'anxiété, ça devient un problème quand t'es pas capable d'avoir une vie normale, une existence normale, quelque chose de normatif. Et je veux dire, j'aime pas ça dire ça, honnêtement, parce que je pense qu'on est au temps de se poser la question de c'est quoi être normal en société. Est-ce que la société est vraiment habilitée présentement à subvenir aux besoins de tous les gens? C'est sûr que les gens qui sont plus au fait de la politique ou les gens qui ont une perspective un peu plus anarchique vont dire comme écoute, la société n'a jamais été habilitée à donner aux gens ce qu'ils ont besoin pour survivre. Mais on se pose la question de plus en plus parce que il y a un texte que j'ai lu, j'en ai parlé dans un épisode auparavant, je suis pas capable de l'exprimer correctement, mais c'est Mark Fisher qui, dans son texte Capitalist Realism, je crois qu'il est le titre, qui fait en fait un lien entre la société de performance et la montée de la dépression et de l'anxiété. Faudrait que je le relise, mais la question essentielle à se poser, c'est est-ce qu'on veut vraiment vivre cette existence-là qui est comme considérée normale? Mais bon, c'est pas le sujet, c'est un sujet comme totalement à part, c'est pas le sujet de l'émission aujourd'hui, mais il faut que je le mentionne, parce que quand on parle quand on parle de normalité, est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle? Est-ce qu'on veut vraiment comme s'investir dans le système dans lequel on vit présentement? Et probablement de moins en moins, je dis ça de même, c'est un peu comme dans l'air du temps. Vous me direz si j'ai tort, hein? C'est juste une intuition que j'ai. Bref, si on fait abstraction de ce que c'est un peu la normalité en société, l'anxiété, ça peut être quand même quelque chose qui est un empêchement, qui a un effet délétère sur notre manière de juste faire des choses nécessaires. Quand je parle de nécessaires, je parle ici de choses comme, mettons, aller à l'épicerie ou prendre le transport en commun pour se rendre à un endroit. Ça peut être un endroit pour assurer notre survie, comme l'hôpital ou le CLSC ou peu importe. Donc, quand une anxiété devient un empêchement, on dit que ça devient pathologique, ça devient un trouble anxieux. Puis, il y a plusieurs manières de décrire ces troubles anxieux. Au fait, il y a plusieurs types de troubles anxieux. On va faire un survol quand même rapide de certains de ces troubles-là. Si vous vous reconnaissez dans certains, on va décrire un peu plus tard pas nécessairement des manières de. Je suis pas habilité à vous dire comment régler ces problèmes-là, mais il y a des ressources qu'on peut utiliser pour du moins nous aider à surmonter ces problèmes-là. Un des troubles anxieux qui est quand même assez traumatisant à vivre, c'est une attaque de panique. Ça arrive de faire des attaques de panique sans que ça devienne quelque chose de commun ou de récurrent. Il y a une personne sur 10 qui a déjà vécu une attaque de panique, c'est quand même beaucoup. Mais il y a 3 à 4 % de la population qui souffre du trouble de panique, parce que c'est quelque chose qui est récurrent. Ça se manifeste comme une crise aiguë d'angoisse puis de terreur soudaine qui arrive sans raison apparente. Les symptômes principaux d'une attaque de panique, généralement, c'est des palpitations, un rythme cardiaque accéléré, les douleurs thoraciques, tremblements, contractions musculaires, frissons, transpiration, étourdissement, vertige, voile devant les yeux, être dans brume un peu, faiblesse musculaire, nausée, etc., etc. Toutes des choses qui surviennent rapidement. Et généralement, les gens, ils pensent qu'ils sont en train de faire une crise cardiaque ou qu'ils s'apprêtent à mourir. C'est assez traumatisant quand tu n'as jamais vécu ça. Et c'est déstabilisant. On s'imagine pas qu'on peut ressentir ces choses-là, mais qu'on n'est pas nécessairement en danger. Puis c'est ça l'important. Quand on fait une attaque de panique, on n'est pas réellement en danger. Une attaque de panique, c'est pas quelque chose qui est mortel. C'est comme une grosse poussée d'adrénaline. C'est comme si, je parlais tantôt de, t'es face à un animal sauvage, un ours, mais imagine que t'es assis sur un banc de parc et que t'as cette réaction que t'aurais si t'étais devant un ours, mais qu'il n'y en a pas. Il y a un ours invisible, disons. Donc généralement, ça provient de pensées qui s'accumulent dans notre tête. C'est pas des facteurs externes, comme le soi-disant animal sauvage, mais c'est des facteurs internes, comme des pensées, etc. Moi, je suis quand même assez familier avec les attaques de panique. C'est quelque chose qui se produisait quand même assez souvent. Ça n'a pas toujours été avec moi. Ça s'est développé avec le temps, quand mon anxiété a pris une tournure marquante, importante et imposante dans ma vie. Et moi, mon déclencheur, c'était le transport en commun, entre autres. Mais surtout le transport en commun. Donc, en autobus ou en métro aussi, surtout. C'est le sentiment d'être... un peu comme d'être coincé. C'est pas... comment on appelle ça déjà? C'était pas de la claustrophobie, proprement dite. Je suis pas claustrophobe. J'ai déjà été dans un tuyau de torpille, dans un sous-marin pour filmer un plan. C'est très coincé. Ça m'a pas causé de problème. Mais l'affaire dans les transports en commun, dans le métro surtout, c'est que entre les stations, t'as pas de manière de sortir. Puis si quelque chose se passe, ben t'es comme coincé là. Moi, qu'est-ce qui arrive si je me sens pas bien, puis je vomis, puis là, comme penser à ça, ça fait que tu te sens pas bien. Là, t'es coincé entre deux stations, puis l'anxiété elle monte, puis le cœur commence à débattre, puis que, ah non, disons, beaucoup d'inquiétude. Comme je dis, pour moi, c'est un peu comme le sentiment de ne pas avoir d'issue dans une situation donnée. Pour une autre anecdote, que moi, ça me fait rire parce que je m'en allais chez une de mes amies. Je partais de mon quartier du nord de la ville pour aller dans Schlaga. J'ai passé par la carrière Miron. Il y avait une piste cyclable. Puis c'était fin automne, probablement début hiver. Peut-être en décembre, il y avait eu de la neige. Puis j'étais en vélo. Puis il faisait noir, puis j'étais sur la piste cyclable côté est de la carrière Miron. Et je le filais pas, tu sais, c'est comme il fait noir, tu sais, je me sens pas bien ici, je vais comme descendre. Puis tu peux comme descendre de la piste cyclable à un certain point, tu descends des escaliers, puis là t'es sur la rue dans Saint-Michel. Et quand tu descends à cet endroit-là, comme la rue elle tourne, ça fait un détour, puis t'es obligé de faire un détour. Fait que je me suis dit, ah, j'ai pas envie de faire un détour, mais ah, regarde, il y a comme une ruelle entre la piste cyclable et les édifices industriels de ce coin-là. Je me dis, je vais passer comme en arrière, je vais passer par cette ruelle-là et je vais comme tourner à la sortie la plus proche. T'sais. Ça doit déboucher en quelque part. Là, je me suis embourbé dans cette ruelle-là avec plein de neige, puis de boue, j'étais en vélo. Puis plus ça allait, plus je m'enfonçais, puis il n'y avait pas de place pour tourner. C'était juste comme, t'es pris entre un genre de pente très à pic avec des arbres et des murs de béton, de briques, d'industrie. Puis il arrive un point où avancer, c'est la même distance que reculer. Puis là, ben t'sais, l'attaque de panique, elle rentre. Puis moi, ma pensée, c'était, si j'ai une crise cardiaque ici, quand est-ce qu'ils vont retrouver mon corps? C'est... t'sais, en bout de ligne, je me suis dit, ça n'a pas d'allure, tu sais. Je peux pas... t'sais, je vais continuer, je vais avancer, puis ce qui arrivera, arrivera. Finalement, je suis sorti de là, puis je suis arrivé chez mon ami un peu épuisé, parce que des attaques de panique, ça tire beaucoup, beaucoup de jus. Ça demande beaucoup d'énergie à passer au travers. Je sais pas pourquoi je raconte ça, je trouve que c'est quand même assez comique de vouloir de pas vouloir continuer un chemin parce que il te cause de l'anxiété, mais d'en prendre un autre qui en cause encore plus. En tout cas, quand tu commences à faire des crises d'anxiété, ben les situations, t'identifies quand même assez rapidement les situations qui t'en causent, et ce que tu fais essentiellement, c'est que t'as tendance à les éviter. C'est le même un peu aussi avec toutes les formes d'anxiété quand ça devient un peu pathologique, c'est que c'est très déplaisant comme sensation, alors tu fais tout ce que tu peux pour pas être confronté à ces situations-là. Donc tu fais de l'évitement, c'est ça, tu vas pas à l'épicerie, tu prends pas le transport en commun, tu bouges moins, tu vas voir moins tes amis, etc. Comme c'est le cas avec l'agoraphobie, que j'en ai fait quand même pas mal, peut-être encore un peu, hein, tu sais, la pandémie causé un recul dans la gestion de l'anxiété chez des personnes comme moi. L'agoraphobie, c'est quand tu es dans une situation ou un endroit où tu vas avoir de la difficulté à t'échapper, comme un peu moi, puis le transport en commun, ou trouver du secours, ou tu t'imagines que tu vas avoir un malaise, puis tu sais pas comment être capable d'en trouver, un peu comme dans mon anecdote de la ruelle entre la piste cyclable puis les industries. Puis ce que tu fais, c'est que tu évites les situations qui vont faire en sorte que tu vas avoir l'anxiété qui vont te causer de l'anxiété. Fait que dans une foule, dans un endroit public, voyager en voiture, entrer en avion, être sur un pont, une autoroute, un tunnel, dans un cinéma, au restaurant, t'es allé dans une épicerie, au supermarché, la banque, etc. T'as toutes des situations où tu te sens pris en quelque part. Il y a aussi la phobie sociale, l'anxiété sociale, qui est une peur marquée du jugement d'autrui. Tu veux pas te retrouver dans une situation sociale ou interpersonnelle où tu es l'objet d'observation, tu veux pas être jugé. La phobie sociale, ça peut causer le décrochage scolaire, une vie sociale limitée, la souffrance psychologique, la difficulté à travailler à l'extérieur, et ainsi de suite. Donc on va avoir tendance à éviter à parler en public. Certaines personnes, ça va être manger puis boire devant d'autres personnes, écrire au tableau, aller aux toilettes publiques, travailler en équipe, sortir d'une salle où il y a des gens qui sont déjà assis, ça peut causer de l'anxiété. Donc c'est des situations qu'on va avoir tendance à vouloir éviter si on fait ce type-là d'anxiété. Il y a plusieurs autres types d'anxiété qu'on pourrait comme s'éterniser longuement à en parler. On n'a pas exactement le temps aujourd'hui à épistémia, mais il y a des troubles obsessifs compulsifs, il y a des réactions de stress post-traumatique, l'anxiété de performance, l'anxiété de séparation. Il y a aussi l'anxiété généralisée qui doit être plus répandue ces temps-ci à cause justement de l'état des choses. C'est un sentiment d'inquiétude difficilement contrôlable au sujet de plusieurs situations ou événements. Et c'est comme une intolérance à l'incertitude. Donc, on a expliqué un peu c'est quoi l'anxiété, ça provient de où, c'est quoi, comment ça fonctionne, et on a donné une couple d'exemples types, certains personnels. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on en ressent et que ça devient un empêchement de notre vie? Moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai été voir dans des organismes communautaires. Il y a plein de gens, des organismes de bienfaisance qui aident les gens qui souffrent de troubles anxieux. Bon, là, je me sens un peu mal à l'aise de parler de celui que j'ai utilisé, parce que je me suis ramassé sur le conseil d'administration de cet organisme-là. Je le mentionnais pareil. Moi, j'ai utilisé des services de la Clé des Champs, qui est un organisme communautaire, qui est un organisme de bienfaisance, qui aide les gens qui ont des troubles anxieux. Mais il n'y a pas juste cet organisme-là, il y en a d'autres. Il y a Diogène, il y a Relaxaction, je pense qu'il y a Revive aussi. C'est pas super compliqué à trouver, une couple de recherches sur Internet et on peut commencer à trouver des ressources. Mais qu'est-ce que ça fait essentiellement, ces ressources-là? Une des choses qui a vraiment été importante dans mon parcours, c'est la réalisation que j'étais pas le seul à souffrir de ce problème-là. L'affaire avec l'anxiété, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement visible. Bon, si quelqu'un fait une attaque de panique dans un autobus, ça se peut qu'on va le remarquer. Mais règle générale, c'est pas écrit dans ton front que tu es en train de subir un inconfort particulier face à une situation qui, pour quelqu'un d'autre, pourrait être anodine. Mais la réalisation que j'étais pas le seul et que j'étais pas fou non plus, ça a été assez libérateur. Souvent, ces organismes-là vont s'organiser à avoir des groupes de discussion où les gens peuvent échanger et parler de leur anxiété, qu'est-ce qu'ils vivent aussi. Et ce qui arrive souvent, c'est que tu vas remarquer des manières de penser chez les autres que toi aussi tu as. Et c'est quand même assez rassurant de savoir que on est un peu tous dans le même bateau. Une des manières de gérer l'anxiété, c'est avec les thérapies cognitivo-comportementales ou l'approche cognitivo-comportementale. D'habitude, je suis relativement habilité à la décrire quand je parle avec quelqu'un, mais je me sens pas à l'aise à la radio d'en parler comme ça parce que je suis pas un expert de la santé, puis je voudrais pas donner un conseil sur la santé en général. Donc, si ça vous met la puce à l'oreille quand même et vous avez un médecin de famille, je vous conseille de l'appeler, d'en parler ou d'essayer de contacter des ressources en santé mentale. Le CLSC peut aussi vous donner des pistes pour aller soit trouver un organisme communautaire qui peut vous aider là-dedans ou eux autres même, ils ont des programmes qui sont disponibles, mais souvent avec des listes d'attente. On ne se le cachera pas, la pandémie a étiré beaucoup les ressources dans notre système de santé, incluant les ressources en santé mentale. Mais honnêtement, vaut mieux essayer de faire les premiers pas pour trouver des solutions que juste si on souffre d'anxiété, que de juste laisser ça traîner. Parce que ça peut vraiment augmenter la qualité de vie d'aller chercher un traitement quelconque, que ce soit une thérapie ou des ressources en santé mentale comme des groupes d'entraide, admettons. Mais bref, la pandémie a quand même ajouté une certaine dose d'incertitude dans la vie de pas mal tout le monde, hein? Moi, je me souviens, les 2 premières semaines du premier confinement au début de la pandémie, ça avait causé quand même beaucoup d'anxiété avant que je décide de juste faire un. Ben, on va vivre ça au jour le jour, là. Ce qui a aidé vraiment beaucoup, mais les 2 premières semaines, c'était quand même assez lourd pour moi. Parce que à ce moment-là, il y avait beaucoup, beaucoup d'incertitudes. C'est quoi cette nouvelle patente-là? Est-ce qu'on va s'en sortir éventuellement? Qu'est-ce qui va arriver? Etc., etc. Surprenamment, ça s'est quand même assez normalisé, cette nouvel état des choses. Mais l'anxiété est quand même pas partie parce que il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes sur l'état des choses en général. Ceci dit, si ce que j'ai mentionné aujourd'hui, ça vous a mis la puce à l'oreille, vous vous êtes reconnu un peu dans les choses que j'ai dit, ça se peut que vous fassiez de l'anxiété. Maintenant, sachez qu'on n'est pas seul et que c'est possible de faire des démarches pour aller chercher de l'aide. Bon, j'aimerais ça vous offrir une plus grande solution immédiate à ça. Malheureusement, je suis quand même pas habilité à faire ça, puis je ne suis pas un professionnel de la santé. Ceci dit, contactez votre médecin de famille ou, je le répète, cherchez pour des organismes communautaires ou des groupes de bienfaisance.